suis zen. Terminer le stress de ma journée. Zen, je suis zen. Je me glisse dans mon fauteuil. Zen, toujours zen. J'allume ma télévision. Un geste simple pour une illusion. Je ne regarde que la stéréo. Zen, je suis zen. Serpillière, je me sens absorbé. Matraqué de leurs idées. Reste l'image, je ne peux écouter. Je zappe mes doigts sont sous le feu. Je zappe les images me montent à la tête. Où est la vérité des images dénaturées? Une pensée arithmétique se glisse derrière. S'en va en guerre contre la misère de l'artiste. Durant des heures à réfléchir sur ses flonflons et ses accords. Jolie belle gueule, je t'en veux pas. Mais derrière toi, le fauve est là. Entre le souvenir et le fric, y a plus de place pour un artiste. Génération. Je zappe mes doigts sont sous le feu. Je zappe les images me montent à la tête. Où est la vérité des images dénaturées? Une pensée arithmétique se glisse derrière moi.